Moine doux, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Moine doux. Il est des moines doux, avec des traits si calmes, qu'on ornerait leurs mains de roses et de palmes, qu'on formerait, pour le porter au-dessus d'eux, un dé pâlement bleu, comme le bleu des cieux, et pour leurs pas, foulant les plaines de la vie, une route d'argent, d'un chemin d'or suivi. Et par les lacs, le long des eaux, ils s'en iraient, comme un cortège blanc de lys qui marcherait. Ces moines, dont l'esprit jette un reflet de cierge, sont les amants naïfs de la très sainte Vierge. Ils sont ces enflammés qui vont, la proclamant, étoile de la mer et feu du firmament, qui jettent dans les vents la voix de ses louanges, avec des lèvres d'or comme le cœur des anges, qui l'ont prié avec des vœux si dévorants, et des cœurs si brûlés qu'ils en ont les yeux grands, qui la servent enfin dans de telles délices, qu'ils tremperaient leur foi dans le feu des supplices, et qu'elle, un soir d'amour pour les récompenser, donne au plus saint d'entre eux son Jésus à baiser. Fin de Moine doux.